Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin et bienvenue à Econophile. Ben oui, quelle semaine de fou. Ouais, si vous m'aviez dit la semaine dernière qu'on se retrouverait une semaine plus tard avec un attentat, climat d'intolérance, quand tu nous tiens. Beaucoup de choses sont regrettables, bien sûr, hein, la mort d'innocents auxquels on souhaite au moins le repos en paix, la méconnaissance qu'on peut avoir aussi collectivement de ceux qu'on croise pourtant tous les jours, et puis ces paroles qui diffusent de la haine, qui une goutte à la fois, hein, c'est tranquillement comme ça. Et c'est bien cet examen de conscience, notamment, oui, il y en a qui le font à la radio ou ailleurs, mais une question, j'ai quand même une question qui me chicote. Est-ce que ça prenait vraiment une catastrophe pour réaliser que ça dépassait les bornes? Vraiment? Ça fait quoi, 20 ans au moins qu'on dit que ça n'a pas de sens de chatouiller la haine, l'air de rien, et là, ben, ouais, mais les ratings sont bons. Fait que, on continue. Fait que ça prenait vraiment le bout du bout pour réaliser l'importance de se parler. Ah oui, mais les ratings. Ah oui. L'éternel conflit entre profit et bon sens, et le profit gagne souvent. Trop souvent. Pas mal tout le temps. Ah oui, les temps sont particulièrement durs. Là, ce qu'on écoute là, c'est ça sort du four, c'est tout chaud. C'était une petite chanson, c'est sorti hier. Trump a encore déraillé toute la semaine, c'est splendide, et ça fait à peine 2 semaines, donc ça va être long, 4 ans. Mais au moins, bon, Econophile est là pour continuer de démystifier le monde dans lequel on vit, monde parfois un peu fou. Et pour nous trouver, ben, facebook.com/econophile891. Allez aimer la page sur Facebook pour pouvoir nous suivre. Et puis, vous trouvez le blog de l'émission sous le bandeau. On voit le bouton « En savoir davantage ». Vous cliquez et vous retrouvez sur le blog. Vous pouvez lire des textes inspirés des livres que nous vous présentons, bien sûr. Et puis, vous y trouvez également la balado qui donne accès aux 3 dernières émissions ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles dans la section « Émissions ». Pour écouter ou réécouter quand bon vous semble. Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир. Меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял. И взвод отлично выполнил приказ, но был один, который не стрелял. Alors, permettez-moi de saluer mon collègue Jean-Claude Cloutier. Bonjour Jean-Claude. Bonjour David. J'ai pensé mettre de la musique russe, comme c'est les bons amis de Trump. Ça... J'ai de la suite dans les idées. Donc, cette semaine, Jean-Claude, très, très gros morceau, assez intense d'ailleurs, livre dont on a parlé, en fait, j'en ai parlé cette semaine sur les réseaux sociaux pour prévenir notre vaste public. Oui, on va parler du Capital au 21e siècle de Thomas Piketty, un ouvrage qui a beaucoup fait parler et que tu as lu d'ailleurs, tu avais lu déjà, je pense, il y a 2 ans, tu me disais. Oui, au moment un petit peu après sa sortie, effectivement, il y a 2014 ou 2015, oui. Un ouvrage assez costaud quand même, 969 pages, je crois. Et en plus, Piketty nous renvoie sur Internet à toute une série de statistiques pour ceux qui voudraient prolonger la réflexion. Effectivement, ça avait beaucoup marqué et ça a fait parler pour toutes sortes de raisons. Probablement parce que le titre, Le Capital, il y a quelque chose de pas innocent là-dedans dans le choix, sans doute. Et faut savoir qu'il en a vraiment vendu beaucoup. 3 millions d'exemplaires dans le monde. Ça a pogné pas mal aux États-Unis. Et on veut même en faire un film documentaire. Donc, c'est vraiment un livre considérable pour toutes sortes de raisons. Évidemment, on ne réussira pas à passer au travers en une heure. Ça, on oublie ça, mais on va au moins vous présenter, disons, les grandes lignes de ce qu'on peut retenir de cet ouvrage-là de Thomas Piketty, Le Capital au 21e siècle. Donc, bonne émission. De couper David Gilmour, mais on va le faire pareil. Donc, parlons de Thomas Piketty, économiste français, né à Clichy, ça c'est tout près de Paris. S'est fait remarquer assez tôt d'ailleurs, en 2002, prix du meilleur jeune économiste de France. Il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et est aujourd'hui un des économistes vraiment les plus célèbres au monde, ça c'est un fait. Et ce livre, c'est quoi? Ben, c'est l'histoire du capital, oui, ou du capitalisme depuis le 18e siècle, appuyé sur des données historiques plus d'une vingtaine de pays, en fait. Donc, plus de 2 siècles étudiés. C'est un travail colossal que Piketty a fait avec quand même beaucoup de collègues, une trentaine de collègues. Et ça se fait pas tout seul comme ça, 1000 pages. Et c'est donc un projet international qui est présenté vraiment dans le style historique, avec une narration qui est historique pour l'essentiel, une plume agréable à lire d'ailleurs, même si je vous parle du capital, c'est pas rebutant, c'est pas repoussant, c'est agréable et facile à lire. Et l'objectif, ben, savoir jusqu'à quel point le rôle de l'héritage et du patrimoine ont pris de l'importance dans le creusement des inégalités par rapport aux revenus du travail, c'est vraiment l'essentiel. On va en parler tantôt avec Jean-Claude. Et puis, avec le temps d'essayer de voir à quel point les choses ont changé, pourquoi. Non, c'est ça en gros. Et ce qu'il nous dit est fascinant parce qu'on peut, on a peut-être l'impression que le monde est moins injuste qu'il y a 200 ans, que les choses s'améliorent. Et quand on regarde l'écart qui se creuse dans les inégalités, ben, on constate finalement que l'injustice est encore toujours là. Elle a un peu changé de forme, changé de nom parfois, mais elle est là. Alors, si je vais, par exemple, en introduction, je vais vous lire un passage, puisque vous savez, ça met souvent la table. La répartition des richesses est l'une des questions les plus vives et les plus débattues aujourd'hui. Mais que sait-on vraiment de son évolution sur le long terme? Le dynamisme de l'accumulation du capital privé conduit-elle inévitablement à une concentration toujours plus forte de la richesse et du pouvoir entre quelques mains, comme l'a cru Marx au 19e siècle? Ou bien les forces équilibrantes de la croissance, de la concurrence et du progrès technique conduisent-elles spontanément à une réduction des inégalités et à une harmonieuse stabilisation dans les phases avancées du développement, comme l'a pensé Kuznets au 20e siècle? Que sait-on réellement de l'évolution de la répartition des revenus et des patrimoines depuis le 18e siècle et quelles leçons peut-on en tirer pour le 21e? Telles sont les questions auxquelles je tente, c'est pas moi qui parle, c'est Piketty, de répondre dans le livre. Disons-le d'emblée, les réponses apportées sont imparfaites et incomplètes. Mais elles se fondent sur des données historiques et comparatives beaucoup plus étendues que tous les travaux antérieurs portant sur 3 siècles et plus de 20 pays, et sur un cadre théorique renouvelé permettant de mieux comprendre les tendances et les mécanismes à l'œuvre. La croissance moderne et la diffusion des connaissances ont permis d'éviter l'apocalypse marxiste, mais n'ont pas modifié les structures profondes du capital et des inégalités, ou tout du moins, pas autant qu'on a pu l'imaginer dans les décennies optimistes de l'après-Seconde Guerre mondiale. Dès lors que le taux de rendement du capital dépasse durablement le taux de croissance de la production et du revenu, ce qui était le cas jusqu'au 19e siècle, et risque fort de revenir la norme au 21e siècle, le capitalisme produit mécaniquement des inégalités insoutenables, arbitraires, remettant radicalement en cause les valeurs méritocratiques sur lesquelles se fondent nos sociétés démocratiques. Des moyens existent, cependant, pour que la démocratie et l'intérêt général parviennent à reprendre le contrôle du capitalisme et des intérêts privés, tout en repoussant les replis protectionnistes et nationalistes. Très d'actualité, ça. Ce livre tente de faire des propositions en ce sens en s'appuyant sur les leçons de ces expériences historiques dont le récit forme la trame principale de l'ouvrage. Alors Jean-Claude, si on commençait un peu à parler de cet ouvrage-là, j'ai lu ne serait-ce que l'introduction qui met quand même un peu là, les concepts en place. On sent l'auteur préoccupé, c'est un économiste qui campe à gauche, mais qui se pose beaucoup de questions en tout cas. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé là-dedans, c'est qu'il fait une espèce, tout au long du livre, dans le fond, c'est toujours l'opposition entre deux forces importantes, le capital et le travail. On pourrait appeler ça également, parce que c'est à peu près la même chose en d'autres termes, entre la richesse et les revenus. Et ça, c'est intéressant de revenir sur ces concepts-là parce que sur la place publique, il me semble qu'on fait pas souvent ces distinctions-là. Moi, ça me frappe, ça m'agace depuis toujours que tous les politiciens aiment bien parler de création de richesse, alors qu'en réalité, ce dont ils parlent la plupart du temps, on devine qu'ils parlent plus des revenus, du travail, de la création d'emplois. La richesse, c'est pas les revenus. C'est deux choses. Si on peut prendre une métaphore un peu géographique ou hydraulique, la richesse, c'est comme un lac, puis les revenus, c'est comme une rivière. Les deux, évidemment, peuvent être liés. Le lac peut déverser son eau dans une rivière, mais les revenus, c'est un flux, c'est-à-dire qu'on fait... c'est quelque chose qui se produit au quotidien, qui se produit au fil du temps. On gagne des revenus par semaine, par mois, etc., par année, alors que la richesse, ben, c'est un stock, c'est-à-dire c'est un capital, littéralement, d'où l'équivalence que je faisais tantôt entre capital et richesse. C'est quelque chose qu'on possède. Et ça, on pourra embarquer tantôt dans des distinctions. Qu'est-ce qu'on peut posséder? Il y a plusieurs choses qu'on peut posséder qui font partie du capital. Puis peut-être, pour donner une image... entre la richesse et le revenu ou entre le capital et le travail. La richesse, par exemple, c'est quand on parle des multimilliardaires. Comme Trump, on dit, on sait pas trop, lui dit qu'il y a 10 milliards de richesse. Ouais. D'autres disent que c'est plutôt de l'ordre de 2 ou 3 milliards. Bill Gates, c'est autour de 70-75 milliards. C'est probablement l'homme le plus riche de la planète. Alors que les revenus, c'est plus des millionnaires. C'est du monde un peu moins, moins impressionnant. C'est plus de l'ordre de quelques millions. Là, on parle des salaires des joueurs de hockey qui sont des millionnaires. 2-3 millions par année. C'est pas tout à fait du même ordre. En fait, il y a un facteur de 1000 entre les deux dans ces quelques exemples-là. Évidemment, on parle de 1000 pages. C'est un livre... C'est drôle parce que la semaine dernière, on avait dit ça. J'avais dit ça. Pas sûr que vous devez à tout prix lire La richesse des nations, sinon que pour pouvoir dire vous l'avez lu une fois dans votre vie. J'aurais envie de vous dire un peu la même chose. Si vous avez envie de vous taper Piketty demain matin, 970 pages, c'est quand même assez lourd. Ça se lit bien, remarquez bien. C'est assez agréable, facile. Mais c'est intense. Il y a beaucoup, beaucoup, très étouffu, là. Oui, mais par contre, comme tu l'as mentionné, je pense que c'est un excellent styliste. Moi, c'est un des auteurs économistes les plus agréables à lire que j'ai lu. Ouais. Puis on voit que c'est un professeur aussi dans l'âme parce qu'il répète souvent les mêmes idées. De sorte qu'à la limite, je pense qu'on pourrait lire peut-être le tiers du livre, puis déjà, on aura une assez bonne idée du contenu. Il faut mentionner aussi qu'il y a quelques idées centrales. J'en ai évoqué une tantôt, on va en évoquer d'autres tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'apartés, beaucoup de discrétions sur des sujets intéressants, mais qui sont un peu en marge du sujet principal. Ça demeure toujours intéressant à lire, mais moi, je pense que quelqu'un pourrait facilement le lire, l'étaler ça sur plusieurs mois, ça pose aucun problème. Tu peux revenir dans le livre à quelques pages que ce soit, et c'est presque toujours intéressant. Parce que la façon qu'il le construit aussi, c'est que effectivement, dans la première partie, partie, il va placer des concepts. D'ailleurs, nous faire des petits rappels pour qu'on puisse bien être certain qu'on parle des mêmes choses. Le milieu de l'ouvrage, d'ailleurs, j'en lirai pas beaucoup de segments, c'est surtout au début à la fin, parce que lire le milieu, c'est ses chiffres, c'est les données, c'est la matière, donc ça, c'est plus long à exprimer. Et à la fin, il arrive sur les solutions qu'on abordera tantôt. Mais cet ouvrage-là, est-ce que à ton avis, c'est un ouvrage qui doit rester, qui va marquer? C'est un ouvrage important, parce que 3 millions de copies, c'est un succès commercial, certes, mais... Je pense que c'est un livre qui va demeurer au moins pour, je dirais, quelques années, peut-être même davantage, parce qu'il pose quand même une question fondamentale, c'est-à-dire le partage de la richesse, le partage du pouvoir économique, finalement, le pouvoir des résultats de la production nationale. À qui est-ce que ça va? À qui est-ce que ça profite? C'est une question de tous les temps. Toute la politique, toute l'économique, depuis toujours, porte sur cette question-là, à savoir non seulement comment est-ce qu'on va produire de la richesse ou des revenus, mais comment est-ce qu'on va les partager. C'est cette question-là qu'il pose. Et de toute façon, moi, je trouve assez habile. Il prend pas le lecteur ou les politiciens de front. Et il met en place, en fait, il nous donne des données, il nous montre des données historiques, nous dit comment ça allait évoluer, puis il nous laisse, dans le fond, presque prendre... il nous amène presque, disons, indirectement à la conclusion que, finalement, il y a de l'injustice. Parce que il y a de l'injustice, surtout au niveau de la richesse. Il le mentionne à différentes reprises. L'injustice au niveau de la répartition de la richesse, donc des stocks de capitaux, est beaucoup plus grande que celle des revenus. Parce que ça s'accumule dans le temps. Il mentionne même que ce qui est scandaleux, c'est que dans le fond, les riches ont tellement d'argent, ils ont tellement de capitaux qu'ils ne réussissent pas à dépenser les capitaux qu'ils ont, de sorte qu'ils réinvestissent constamment le rendement de leur capital, ce que ça rapporte en intérêt, en plus-value, en dividendes, etc. Ils le réinvestissent de sorte que le stock de capital grossit tout le temps. Et c'est là, c'est une de ses principales conclusions. Elle dit la ballonne grossit tellement qu'à un moment donné, elle va éclater. Ça se peut pas. Les gens vont se révolter contre ça. Alors, il en arrive un peu à la même conclusion que Marx. Je sais pas si lui aura raison alors que Marx tarde à avoir raison, mais il dit les inégalités sont tellement flagrantes au niveau du capital que tôt ou tard, les gens vont se révolter puis ça va provoquer une révolution, un changement en tout cas des façons de faire et des façons de gouverner la société. En tout cas, il t'a écouté parce que t'avais parlé toi-même ici en disant que s'il fallait s'intéresser davantage au patrimoine ou à la richesse où elle se trouvait plutôt que de parler des revenus. Tu avais dit ça à l'émission même en disant que c'est là qu'il faut penser peut-être à aller effectuer des ponctions puis si on veut vraiment être capable de faire une différence. Ouais, t'es bien généreux. C'est probablement moi plus qu'il l'a lu que je connais. C'est une blague, bien sûr. mais ça, par contre, ta blague m'amène à mentionner que lui-même pas confond, mais introduit une nouvelle distinction. Il parle beaucoup de patrimoine. Alors, peut-être les féministes aimeraient mieux on parle de matrimoine, mais peut-être aussi qu'il conclurait que, effectivement, c'est du patrimoine. Et, dans le fond, c'est un autre terme pour le capital ou pour la richesse. Merci. On revient là-dessus dans quelques instants. Suivre un peu la lecture, juste quelques instants pour vous donner une petite idée dans ces choses et les concepts et distinctions importantes et intéressantes qu'il fait dans ce livre-là. On constate que beaucoup de progrès sont souvent le fruit de circonstances particulières. Hein, vraiment, c'est comme ça qu'il faudrait le dire. Donc, c'est pas tellement le progrès du capital en tant que tel. Au 20e siècle, quand on regarde l'histoire d'ailleurs, c'est souvent des événements violents, ben, pensez aux deux guerres mondiales bien entendu, qui ont provoqué des changements qui sont finalement des phases transitoires plus que des changements permanents. C'est comme ça qu'ils nous présentent la chose. Après la guerre, l'économie redémarre, on dépense, on reconstruit, ça stimule, donc on reprend le retard qu'on a eu. On a eu les 30 glorieuses après la guerre, mais la façon de faire des 30 glorieuses est pas restée, bien entendu. Et par la suite, la croissance revient à une faible croissance relative qu'on connaît habituellement. Donc, ces progrès-là sont les résultats de chocs, de destruction. Hein, on pourrait parler de destruction créatrice. Hein. Et quand on revient à la croissance faible, ben, l'accumulation des richesses du passé, de l'héritage et des patrimoines reprennent de l'importance. Et pas tout à fait comme autrefois, mais son importance est quand même manifeste. Alors, autour de ces éléments, Piketty pose des questions, et je vous en fais la lecture. L'un des principaux enseignements de notre enquête est que ce sont les guerres, dans une large mesure, qui ont fait table rase du passé et qui ont conduit à une transformation de la structure des inégalités au 20e siècle. En ce début de 21e siècle, certaines inégalités patrimoniales que l'on croyait révolues semblent en passe de retrouver leur sommet historique, voire de les dépasser dans le cadre de la nouvelle économie monde, porteuse d'immenses espoirs, la fin de la pauvreté, et de déséquilibres qui le sont tout autant, des individus aussi riches que des pays. Peut-on imaginer pour le 21e siècle un dépassement du capitalisme qui soit à la fois plus pacifique et plus durable, ou bien doit-on simplement attendre les prochaines crises ou les prochaines guerres, véritablement mondiales cette fois? Sur la base des évolutions et expériences historiques que nous avons mises à jour, quelles institutions et politiques publiques pourraient permettre de réguler de façon à la fois juste et efficace le capitalisme patrimonial mondialisé du siècle qui s'ouvre? Ci strasne, oci žgocie, imre krasne, kak lubloja Alors Jean-Claude, maintenant on va parler en tant que tel un petit peu de ce dont on vient d'aborder, là, mais rapidement, inégalité, richesse de revenus. Donc un travail qui fait œuvre utile parce que, comme tu le disais un peu tantôt, là, il y a de la confusion et s'il y a une grande chose à laquelle cet ouvrage-là aura servi, c'est ça. Oui, effectivement, c'est de montrer dans le fond une espèce de lien qu'on peut faire entre la création de richesses dans un pays, ce qu'on appelle souvent le produit intérieur brut, où est-ce que ça aboutit? Ça peut aboutir, dans le fond, si on schématise, si on simplifie en deux choses. Ça peut être distribué au niveau des salaires, tout comme ça peut aller en profit et en dividende à ceux qui possèdent le capital productif, ou ça peut être le capital immobilier aussi, ça peut être les propriétaires d'une résidence. En fait, parlons de Trump, encore une fois, qui est un grand magnat de l'immobilier, bien, les propriétaires d'immeubles tirent également des loyers. Donc, l'argent peut se répartir de diverses façons. Lui met beaucoup l'accent sur le fait que, finalement, on a beau avoir de la croissance, il y a eu des belles années, il y a des années comme présentement que la croissance est un peu moins rapide, mais il y a quand même croissance. Et lui, ce qu'il dit, c'est que le gros des résultats de cette croissance, de la richesse créée, de la valeur créée, se ramasse dans les mains des propriétaires du capital. Encore une fois, soit du capital industriel, soit du capital immobilier, soit du capital financier, tout simplement des gens qui ont des actions, des obligations, des titres financiers, les banques finalement, puis les spéculateurs, en fait, puis même des épargnants aussi, même les fonds de pension sont un peu là-dedans, sont dans le capital financier. Alors lui, sa thèse, dans le fond, c'est que finalement, de la richesse créée, la valeur créée par l'économie se ramasse de façon disproportionnée dans les mains des propriétaires de capital plutôt que dans ceux qui travaillent, ceux qui gagnent des revenus. Et il a dit peut-être pas toujours aussi clairement que ça, mais moi, la question que ça me pose, qui me préoccupe depuis maintenant un bon bout de temps, c'est que c'est qu'on vit sur du temps emprunté. C'est-à-dire, on distribue pas le pouvoir d'achat parce que le travail, on distribue pas assez de salaire, finalement, et ça se ramasse dans les mains d'investisseurs à la bourse, dans les milieux financiers, qui, eux, ne dépensent pas, ils tournent en rond, ils vendent des actions, mais ils en rachètent d'autres. Fait que ça reste à la bourse, finalement, et ça se traduit pas en pouvoir d'achat. Je pense que c'est un des problèmes, présentement, qui confronte l'économie de tous les pays développés. Effectivement, parce que s'il y a une chose que ça donne aussi de voir cette vue d'ensemble-là historique, c'est que c'est presque partout. Évidemment, il y a des différences. Chaque pays ne vit pas la chose de la même manière. Il l'explique, il le montre par ses statistiques, mais reste que c'est un phénomène mondial. Ben, moi, ça m'intéresse beaucoup pour les enseignements pour aujourd'hui, parce que c'est sûr que Piketty, étant un Français, étant un Européen, il a travaillé beaucoup avec des Britanniques aussi, dont Anthony Atkinson, qui est mort récemment, il y a quelques semaines. Il a beaucoup mis l'accent sur l'expérience de la France, du Royaume-Uni, un peu quand même des États-Unis et du Canada aussi, et d'autres pays, mais c'est très européen. C'est pour ça qu'il met l'accent, dans le fond, sur l'histoire du capital, du patrimoine. Quand on parle de patrimoine, on pense plus aux immeubles, au capital bourgeois du 19e siècle. Mais ce qui dégage, c'est aussi vrai pour les formes modernes du capital. Les formes modernes du capital, maintenant, c'est le capital industriel, les usines, l'équipement productif. C'est aussi, comme je le mentionnais tantôt, et de plus en plus, le capital financier. Je pense qu'un des graves des grandes questions qui se posent aujourd'hui, puis on n'en parle pas suffisamment sur la place publique, à mon avis, c'est ce qu'on appelle la financiarisation. Le fait que la richesse qui est produite se ramasse dans des mains se ramasse dans Wall Street, se ramasse dans les milieux financiers, dans les banques, dans des titres, des obligations, des actions, et ça percole pas dans l'ensemble de l'économie. Évidemment, on parle depuis tantôt de données, de statistiques. Reste qu'il faut aussi mentionner qu'il y a un petit peu de mathématiques, pas trop, pas compliqué d'ailleurs, pour présenter quelques idées, mais ça reste digeste. Là. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas trop réfractaire à regarder des graphiques, c'est beaucoup sous forme de graphiques historiques, dans le fond. Mais moi, c'est un des ouvrages les moins mathématiques de la part d'un économiste que j'ai vu, et c'est excellent. D'ailleurs, Piketty s'en cache pas, il dit qu'il déteste les économistes qui font trop de mathématiques, il ne se sert absolument à rien, il se n'est qu'à brouiller les pistes. D'ailleurs, il se présente lui-même comme un sociologue, peut-être davantage. Il disait, je suis peut-être plus davantage dans la sociologie que l'économie, ou voir dans ce cas qui nous occupe l'histoire. Ben, c'est-à-dire qu'il illustre très bien le fait, puis il y a de plus en plus d'économistes qui sont d'accord avec ça, c'est qu'on réalise que l'économie, c'est pas en marge des autres sciences sociales, c'est relié à la science politique, à la sociologie, à l'histoire, et donc lui, il en est le parfait exemple. C'est pas une science pure parfaite? Non. Mon monde s'écroule, Jean-Claude. La conférence peut-être pure et parfaite, mais pas la science économique. Pris en note. Merci. Alors, c'est l'émission Éconophile qui se poursuit au 89.1 CKRL avec David Lemelin au micro et la collaboration de l'économiste Jean-Claude Cloutier. C'est un bloc spot pas trop long quand même. Je vais me faire une pub. Passez par Facebook, nous voir, bien sûr, facebook.com/Éconophile891 pour pouvoir aimer la page et nous suivre. Donc, on a parlé de patrimoine beaucoup, évidemment, et elle n'est pas la seule forme de développement des inégalités. Il y a la nouvelle richesse démentielle dont on a parlé tantôt, effectivement, qui fait par exemple en sorte qu'un individu peut être aussi riche qu'un pays. C'est tout à fait vrai, c'est pas une histoire. On est ici dans la démesure totale, et la société n'est pas tellement plus juste donc qu'avant. Et pour enrayer le problème, rien de facile. Le dynamisme des inégalités n'admet pas de solution simple, nous dit Piketty. Mais pour pouvoir réguler cette dynamique du capital, il faudrait que, dit-il, les États-nations soient mieux outillés pour le faire. Donc, il regarde de ce côté-là. Un pays isolément, évidemment, ne peut pas faire grand-chose, donc ça passe forcément par les grands ensembles. Il croit à ça, l'Union européenne, etc. Donc, on peut aussi, bien sûr, hausser les impôts sur les grandes fortunes, etc. Mais pour ça, il faut dépasser les divergences des nations, agir largement ensemble pour parvenir enfin à enrayer cette croissance des inégalités. Donc, tout dépend de la politique, finalement. Et ça, ben, c'est pas gagné. Alors que Piketty, donc, nous écrit, il croit à ça, en fait, l'impôt mondial et progressif, et on va en discuter en quelques instants avec Jean-Claude, mais vous lire cet extrait, d'abord. L'institution idéale permettant d'éviter une spirale inégalitaire sans fin et de reprendre le contrôle de la dynamique en cours serait un impôt mondial et progressif sur le capital. Un tel outil aurait en outre le mérite de produire de la transparence démocratique et financière sur les patrimoines, ce qui est une condition nécessaire pour une régulation efficace du système bancaire et des flux financiers internationaux. L'impôt sur le capital permettrait de faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts privés, tout en préservant l'ouverture économique et les forces de la concurrence. Il n'en va pas de même des différentes formes de repli national ou identitaire qui risquent fort de servir de pis-aller à cette institution idéale. Dans sa forme véritablement mondiale, l'impôt sur le capital est sans doute une utopie. À défaut, une telle solution peut toutefois être appliquée avec profit à une échelle régionale ou continentale, et en particulier européenne, en commençant par les pays qui le souhaitent. Alors là, Jean-Claude, on va commencer à aborder les solutions, parce qu'évidemment, outre d'écrire ce portrait et, dans le fond, déplorer, bien entendu, les inégalités existantes, on n'en demeure pas là. C'est pas juste un ouvrage qui nous dit que ça va mal, il y a quand même des solutions. Et je viens d'en lire un extrait. Impôt mondial, vaste projet. Oui, ben c'est-à-dire que comme tu l'as noté dans ton extrait, David Piketty, il y en a une position un peu ambivalente par rapport à cette solution-là, en disant que ce serait la solution qu'on applique un impôt progressif, c'est-à-dire que plus que tu es riche, plus que tu as un taux d'imposition élevé sur ta richesse, mais en même temps, il est très réaliste parce qu'il se dit il y aura toujours des pays qui joueront pas le jeu, qui vont essayer d'attirer les capitaux chez eux. C'est déjà le cas. Mme May, la nouvelle première ministre du Royaume-Uni, semble se diriger dans cette voie-là, mais ça va être difficile de convaincre le Luxembourg, la Suisse ou les îles Caïmans de suivre dans cette voie. Donc, il est assez réaliste là-dessus. Il se fait pas trop d'illusions cas pour le court terme, mais il reste que ce serait un peu la solution idéale. Et ce qui me paraît un peu contradictoire, il dit que ce n'est pas faisable au niveau mondial, on pourrait au moins le faire au niveau local, mais pour la raison qu'on vient de mentionner, c'est très difficile. On deviendrait moins compétitif si on faisait ça. Donc. Automatiquement, il y a une crainte, mais il y aurait une crainte d'être moins compétitif. C'est peut-être ce qui fait que d'ailleurs, on dit souvent « there's a race to the bottom », les politiciens, les ministres des Finances de tous les pays essayent toujours de convaincre les investisseurs que « venez chez nous parce qu'on vous impose moins que les autres pays, les autres provinces, les autres États. Il y a toujours cette tendance-là. Il y a une espèce de préjugé dans lequel tout le monde adhère assez facilement en disant « oui, c'est vrai, si on impose moins le capital ou le profit, ça va attirer des investisseurs. » Pourtant, moi, ce qui me fascine, c'est que ça ne semble pas démontré du tout. Et d'ailleurs, ça, Piketty le mentionne. Moi, j'étais content qu'il le mentionne à quelques endroits dans son livre, que, par exemple, l'expérience démontre que depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça fait quand même 70 ans que la guerre est finie, l'expérience de tous les pays développés, en tout cas, c'est qu'à l'effet que le taux d'imposition marginal, c'est-à-dire le taux qu'on paye sur le dernier dollar de profit ou dernier dollar de revenus n'a aucune importance sur la croissance économique ou la productivité du pays. Et puis on sait, de toute façon, pendant les 30 glorieuses, le taux d'imposition marginal aux États-Unis puis dans d'autres pays était de l'ordre de 90 %. Sous Reagan, Clinton et autres, ça a été réduit autour de 40 ou 50 %. Mais les plus belles années, c'est quand le taux marginal d'imposition était le plus élevé. C'est ce qui est un peu paradoxal. Et il le reconnaît, c'est ce que je mentionnais tantôt, il constate que finalement, le taux d'imposition des profits n'est peut-être pas si important que ça. Pourquoi les politiciens ont-ils si peur de s'embarquer dans cette voie-là? Lui, par contre, évidemment, il ne met pas tellement l'accent sur l'impôt sur le revenu parce qu'il dit que ce n'est pas là qu'est le problème. Le problème est au niveau du capital accumulé, au niveau de la richesse, au niveau du patrimoine. Alors lui, il veut réinstaurer. C'est intéressant qu'il le fasse parce que moi, je suis assez vieux pour me rappeler qu'au des années 70 et les années 80, au Québec et au Canada, un des grands débats, c'était abolition des droits de succession. Les droits de succession, ça, c'est le droit que tu payes sur un héritage que tu reçois. C'est une taxe sur le capital. C'est une des formes possibles de la taxe sur le capital. On a fini par abolir ça au Québec, au Canada aussi, en se disant, ah, ben là, ça va créer de l'emploi, ça va créer de la richesse, ça va faire plaisir aux investisseurs. Je pense pas que ça a eu aucun impact. Ce n'est que laisser davantage de richesse dans les mains des gens riches. Jusqu'à quel point, par exemple, quand on fait souvent état de ça, hein, si on se met à jouer dans l'impôt, on va faire fuir les gens, tu l'as abordé un peu tantôt, mais je me demande jusqu'à quel point c'est pas vrai aussi, dans la mesure où, tant qu'il va y avoir de la concurrence fiscale planétaire, quiconque va commencer à s'amuser avec ça, il va se couper l'herbe sous le pied, parce qu'on l'a vu même en commission parlementaire ici à Québec, quand ils ont commencé à discuter de ça, ils ont dit « Ouais, ben, on veut bien, mais... » C'est risqué. On joue dans la compétition internationale. C'est de travailler au niveau des lois. C'est au niveau des lois qu'il faut que ça se modifie. Pas sûr qu'il y ait une volonté réelle d'aller là. Non, il ne semble pas y en avoir, parce que moi je pense que souvent les politiciens, curieusement, sont de bonne foi. Ils croient réellement à ça, que s'ils imposaient davantage les entreprises ou les gens riches, les gens riches s'en iraient ailleurs. Moi, je suis pas du tout convaincu de ça. Je suis persuadé qu'au contraire... Moi non plus, mais on le dit beaucoup. Je pense que les entreprises prennent leurs décisions. Ils ne se fient pas sur les gouvernements. Ils se disent, ah, bah, très bien, ce gouvernement-là peut bien réduire mon impôt, mais qui me dit que dans 3 ans ou 4 ans, un nouveau gouvernement n'ira pas dans la direction opposée. Donc, je pense, moi, les gens d'affaires prennent leurs décisions sur des facteurs beaucoup plus structurants que ça, c'est-à-dire est-ce que j'ai une main-d'œuvre, est-ce que j'ai une technologie, est-ce que j'ai des infrastructures, est-ce qui me permettent d'être rentable dans le pays en question. Donc, il parle beaucoup, Piketty, de cette fiscalité-là. Il a un côté idéaliste, mais en même temps, il dit « je vois bien que ça se fera pas ». Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme marge de manœuvre, hormis ce qui peut avancer là? Mais moi, je ne sais pas. Moi, je pense que, comme on disait tantôt, c'est un livre très touffu, finalement, extrêmement intéressant, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Par de la dette, puis, notamment. Puis moi, je suis plus impressionné, dans le fond, par son rappel historique, parce qu'il dit, dans le fond, une des choses qui avance là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, 2017, ça ressemble beaucoup à la situation au tournant du 20e siècle, aux autour des années 1890 jusqu'à 1914, disons, où il y avait de grandes inégalités de richesse, justement. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est réduit? Bien, ça a été les deux guerres mondiales. Une guerre, qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, ça détruit du capital. Ça détruit des immeubles, ça détruit des routes, ça détruit des installations portuaires. C'est tout du capital. C'est tout du patrimoine. Fait qu'une guerre, elle a... C'est peut-être un des seuls avantages d'une guerre, mais ça fait table rase, finalement, des inégalités de capital. L'autre phénomène qu'il mentionne, qui est intéressant, c'est que les gouvernements, le Royaume-Uni et la France notamment, et l'Allemagne, pour payer leurs dettes de guerre, pour financer leur guerre et payer les dettes par la suite, dans le fond, ils se sont beaucoup endettés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Après ça, ils ont laissé aller l'inflation. L'inflation, ça a pour effet miraculeux de réduire la valeur de la richesse. Puis là, ça pénalise beaucoup plus ceux qui ont de l'argent que ceux qui n'en ont pas. Si t'as pas d'argent, comment il y aura de l'inflation, c'est pas grave, tu perds rien. Mais quelqu'un qui a une grande fortune, ben l'inflation fait en sorte que sa fortune vaut moins cher par après. Son 2 milliards, ben le 2 milliards, c'est les 2 milliards de dollars dépréciés. J'espère que c'est clair ce que tu es en train de dire là. Quand avec l'inflation, c'est que vous avez un montant d'argent, pour l'illustrer très simplement, si je comprends bien là. Votre fortune vous permet d'acheter tant de choses. S'il y a de l'inflation, ben vous pouvez en acheter moins avec le même montant d'argent. C'est ça, exactement. Puis l'autre bon phénomène... élève, bon élève. Bravo. Ben, je vais peut-être, si je me permets d'ajouter, parce oui? que quand il explique, ce qu'il explique dans le fond, il dit que ça ressemble beaucoup aux années 1900 aujourd'hui, mais entre 1900 et 1950, il est arrivé trois choses importantes. Il est arrivé deux guerres, il est arrivé de l'inflation, puis il est arrivé une crise majeure, une crise économique majeure, qui elle aussi a eu pour effet, dans le fond, d'enlever de la valeur aux placements que les gens, au capital financier que les gens avaient. Autre point intéressant et important, et je t'amènerai là-dessus, je ne sais pas si tu as d'autres points à discuter, mais il y a celui de la transparence. Je l'ai évoqué un peu tantôt en lisant ce bout-là. Ça a l'air extrêmement important pour lui. Je vais en lire un extrait tantôt où il insiste beaucoup sur ça. Est-ce que c'est quand même une clé qui permettrait, en tout cas, en principe, d'y arriver? Oui, sûrement. Mais encore là, je pense que c'est un petit peu idéaliste. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est que si on savait davantage qui place de l'argent à quel endroit puis combien qui paye d'impôts là-dessus, mais... Revenons encore à M. Trump, qui veut même pas dire comment est-ce qu'il paye d'impôts, si on est loin encore de cet idéal-là. Ouais, c'est ça, parce qu'encore là, il y a une question de volonté, parce qu'il faut se comprendre, si on publiait, si on était capable de pouvoir faire payer davantage d'impôts, si on mettait le nez dans la fiscalité, ça voudrait dire qu'on saurait plus, les travailleurs sauraient plus aussi, donc c'est l'aspect démocratique des choses. Lui, sa prétention, c'est qu'en sachant plus, on pourrait au moins intervenir davantage, parce que là, c'est assez opaque. Exactement. Merci Jean-Claude, merci. Puis Jean-Claude, en conclusion, tu avais un dernier élément à ramener sur cet ouvrage de Piketty. Ben moi, ce que, encore une fois, tu l'as dit toi aussi, Piketty, il fait souvent œuvre d'historien, de sociologue. Moi, une des choses qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il a rappelé que si on remonte 200, au cours des 200 dernières années, le capital, à l'époque de Ricardo, dont on a parlé il y a deux semaines, était un capital terrien, c'est-à-dire ceux qui possédaient de la terre, c'était eux les véritables capitalistes, ceux qui avaient de la richesse. Avec Marx, on est passé à une ère plus de capital industriel, puis aujourd'hui, on en serait plus au niveau du capital financier. J'ajouterais à ça, moi, la dernière considération qui me paraît très importante, c'est qu'on le voit de plus en plus, c'est que les sources de la quatrième révolution industrielle, comme on l'appelle, le fait par exemple que maintenant on est beaucoup à l'ère de la robotisation, des grands réseaux en forme d'Internet, Facebook, etc. C'est des tendances actuelles qui mettent beaucoup l'accent sur le capital. C'est-à-dire ceux qui possèdent les réseaux, ce sont des capitalistes, ils possèdent le réseau et ça biaise les choses en faveur du capital plutôt que du travail. Donc ça accentue une problématique que Piketty a mis en évidence, c'est-à-dire que le déséquilibre entre les revenus du capital et du travail est en train de s'accentuer à cause de la robotisation, à cause de l'Internet, à cause de l'économie numérique dans laquelle on est engagé. Effectivement, parce que qui dit robot, hein, on facile à comprendre, qui dit robot dit des employés en moins. Donc, des salaires en moins, des revenus capital, en moins. Un robot. Peut-être une dernière chose qui m'a beaucoup fasciné, puis ça montre comment Piketty est intéressant, c'est que lui, il rappelait qu'au 19e siècle, une forme de capital industriel, c'était l'esclavage. Évidemment, l'esclave était considéré comme un meuble plutôt que comme un être humain. Là, ça faisait partie du capital matériel. Il y en a qui croient encore ça aujourd'hui. Et donc, en conclusion, si on s'en va vers la conclusion pour revenir sur cet élément important, la transparence économique et financière n'est pas simplement un enjeu fiscal. Elle est également et peut-être surtout un enjeu de gouvernance démocratique et de participation aux décisions. De ce point de vue, l'enjeu n'est pas tant la transparence financière sur les patrimoines et les revenus au niveau individuel, qui n'a pas véritablement d'intérêt en soi, sauf peut-être dans des circonstances très particulières, comme pour les responsables politiques ou dans un contexte où le manque de confiance ne peut être corrigé autrement. En règle générale, l'enjeu le plus important pour l'action collective concerne la publication de comptes détaillés des sociétés privées. C'est là où on va en venir. Comme d'ailleurs des administrations publiques, qui, sous leur forme publique actuelle, sont tout à fait insuffisants pour permettre aux salariés ou aux simples citoyens de se faire une opinion sur les choix en cours et, a fortiori, pour intervenir dans les décisions. Sans réelle transparence comptable et financière, sans information partagée, il ne peut exister de démocratie économique. À l'inverse, sans droit réel d'intervention dans les décisions, comme des droits de vote pour les salariés dans les conseils d'administration, la transparence ne sert pas à grand-chose. L'information doit nourrir des institutions fiscales et démocratiques. Elle n'est pas un but en soi. Pour que la démocratie parvienne un jour à reprendre le contrôle du capitalisme, il faut d'abord partir du principe que les formes concrètes de la démocratie et du capital sont encore et toujours à réinventer. Maintenant, un peu question d'actualité en terminant. D'abord, Jean-Claude, on commence quelque chose cette semaine. Si c'est plaisant, on va poursuivre. Le chiffre de la semaine, tu avais envie de me parler de données. Comme ça, on va ramener chaque semaine des données plus ou moins connues qui permettent d'apprendre des choses. Cette semaine, rien de moins que les armes, financement. Oui, c'est une chose qui m'intéresse depuis plusieurs années, puis je trouve ça dommage qu'on en parle si peu sur la place publique. C'est les ventes d'armes, en fait, l'exportation d'armement. En fait, les données sont tirées d'un petit recueil de données statistiques de toute nature publiées par la revue The Economist. C'est une édition assez récente que j'ai, c'est l'édition de 2016 de ces données-là. Donc, on dit qu'en 2014, par exemple, le principal pays exportateur d'armes dans le monde, devinez qui, c'était les États-Unis. Quelle surprise! Avec 10 000 milliards de dollars US de vente d'armes un peu partout. Je ne vous donnerai pas tous les chiffres, ce serait trop long, mais le deuxième, c'est la Russie, deux fois moins que les États-Unis. Et en troisième lieu, la France, un bon pays très axé sur les droits de l'homme et l'humanisme. Le quatrième, le Royaume-Uni. Le cinquième, l'Allemagne. Vous voyez, ce sont tous des pays développés qui sont les principaux pays exportateurs d'armes. Du côté des importateurs, ben le champion, le pays qui arrive en premier, c'est l'Inde. Et le deuxième, devinez qui? L'Arabie Saoudite, oui, avec 1 000 milliards de dollars d'importation. Je veux pas épiloguer trop longtemps là-dessus. Je pense que ça parle déjà de soi, ça c'est évident, mais je veux juste mentionner, mettre ça en contraste avec les pays qui ont plus gagné de prix Nobel de la paix. Savez-vous qui arrive en premier? Les États-Unis, qui curieusement a réussi à vendre des armes et à s'imposer comme un champion du discours sur la paix. Et le deuxième, c'est le Royaume-Uni, le troisième, la France. Alors, c'est quand même... Ça pose peut-être des questions sur le prix Nobel, mais ça... Ben oui, parce que même quand Barack Obama l'avait gagné, il y a des gens qui avaient dit bravo, mais en même temps, c'était doux amer. Hein? C'était un peu doux amer. En tout cas, ça pose la question des contradictions, parce que les pays aiment bien ça faire du boycott économique de l'Iran ou d'autres pays, mais dans le fond, s'ils arrêtaient de vendre des armes... aux belligérants, je pense qu'on atteindrait bien plus efficacement la paix et sans les impacts seulement sur les populations de ces pays-là. Ça nous ramène au débat entre le profit et le bon sens que je disais en ouverture. Actualité, des choses intéressantes. Trump qui veut réduire la régulation bancaire. J'en lis un petit extrait de la nouvelle. Donc, le président Trump a signé deux décrets ordonnant un réexamen de la réglementation financière élaborée après la crise de 2008. En particulier, la loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street. Comprenez que c'était d'essayer de contrôler ceux qui avaient besoin d'être contrôlés. Ça a été promulgué en 2010 par Obama. Dodd-Frank est dans le collimateur à la fois des républicains et du secteur financier qui dénoncent ça comme un carcan nuisible selon eux, tant pour les banques que pour les consommateurs. Difficile de faire un truc plus important que ça, a ajouté Trump. Il a probablement dit « it's great, we have a good plan ». La loi Dodd-Frank a créé l'Agence de protection des consommateurs, rien que ça. Elle a aussi obligé les géants bancaires à se soumettre à des tests annuels évaluant leur solidité. J'en perds la voix tellement que ça me rend fou. En cas de tempête financière, afin d'éviter une faillite comparable à celle de Lehman Brothers en 2008. Donc, Jean-Claude, ça, c'est plus important. Ben, c'est-à-dire que c'est très en lien avec ce qu'on a regardé tantôt avec Piketty, c'est-à-dire que c'est une façon encore de gonfler la partie financière de l'économie. Puis, dans le fond, c'est reprendre sur l'élan qui avait été amorcé en 1980 quand le néolibéralisme a commencé avec Thatcher et Reagan. T'sais, moi, par exemple, je vous donne juste un chiffre là, qui illustre ça, c'est qu'en 1980, le rapport entre les actifs financiers puis l'économie réelle, c'est-à-dire la partie financière de l'économie puis la partie réelle, c'était de 1 pour 1. C'est-à-dire qu'on avait autant de placements financiers que d'actifs réels. Ça a monté jusqu'en 2000 autour de 2,5. C'est-à-dire 2,5 fois. La partie financière de l'économie était 2,5 fois plus importante que la partie réelle, ce qui est une aberration, ça n'a aucun bon sens. Mais on appelait ça la bulle. Et effectivement, la bulle a pété en 2000. C'était la bulle des dot-com, les nouveaux start-up de l'économie numérique. Mais ça l'a repris par la suite avec une nouvelle bulle qui a éclaté, comme on sait, la bulle hypothécaire en 2008. Là, les conditions, je pense qu'on met en place des conditions pour grossir à nouveau la bulle qui va peut-être éclater dans quelques années peut-être. Et ce qu'il y a de particulièrement fascinant, c'est que Trump, évidemment, il n'est pas barré. Il dit, et ça, vous pouvez voir l'extrait, là, c'est pas fake news, les médias rapportent mal. Là. Vous pouvez voir l'extrait où on voit Donald Trump qui présente cette décision-là, ce décret, en disant, je pense qu'il faut qu'on soit capable d'emprunter davantage. J'ai des amis qui m'ont dit qu'il y avait de la misère. Donc, fais ça pour ses amis. Ouais, c'est un peu étonnant que ses amis aient de la misère, mais en tout cas, il pourrait leur emprunter, lui, peut-être. Mais c'est surtout que tout le monde, je ne suis pas le premier à dire ça, mais il a fait sa campagne présidentielle en disant qu'il donnera aucune chance aux gens de Wall Street. La première chose qu'il fait, c'est qu'il les engage dans son cabinet puis qu'il facilite la réglementation qui les encadrait. Mais on est quand même dans l'idéologie parce que ce qui est important, c'est de dire que quand on regarde les faits, les chiffres, quand on déréglemente et qu'on les laisse aller tout seul sur la patinoire, le risque de dérapage, il est plus que réel. Il est à peu près certain. Oui, bien, c'est-à-dire que ce sera peut-être trop long d'expliquer ça dans le cadre de cette émission-ci, mais la réglementation financière, ça consiste à dire, par exemple, aux banques, vous gardez un certain volume de liquidité au cas que les gens veulent être remboursés, qu'ils veulent récupérer leur dépôt. Bon, c'est très simple, mais vous pouvez appliquer ça également au domaine du courtage financier des actions, etc. Et dans le fond, c'est qu'on enlève des protections, des garanties, des réserves pour faire place aux imprévus. On prend de plus en plus de risques finalement avec l'argent des épargnants. C'est ça qui parce que le risque est payant. Ben, parce que le risque est payant, c'est sûr. Puis, mais en même temps, c'est que ça gonfle la bulle. C'est-à-dire qu'on tout ça devient un peu fictif. Puis quand la bulle s'écroule, ben, c'est des milliards. Puis c'est la confiance, surtout dans l'économie, qui s'écroule. Donc, à prévoir. Et puis, en terminant, on change de continent. Zimbabwe, on va s'intéresser aussi à ce qui se passe en dehors. Le Zimbabwe impose une nouvelle taxe sur les aliments. Quand on dit, là, tu sais, il y a pire, là. Le gouvernement du Zimbabwe a mis en place une nouvelle taxe de 15% sur les produits alimentaires de base, dans l'espoir de renflouer ses caisses désespérément vides en raison de la grave crise financière qui frappe le pays. Selon une note du ministère des Finances, cette nouvelle taxe sur la valeur ajoutée vise notamment les pommes de terre, le riz, la margarine et la viande. Dirigé de main de fer depuis 1980 par Robert Mugabe, le Zimbabwe traverse une grave crise depuis une quinzaine d'années. Asphyxié par le manque de liquidité, son économie tourne au ralenti et 90% de sa population active n'a pas d'emploi formel. C'est hallucinant. Puis je pense que la note, on aurait pu, l'article aurait pu ajouter que le taux d'inflation, je pense, est de l'ordre de 7 ou 800 par année. Mais j'aimerais ajouter une anecdote. Ça m'avait beaucoup frappé. Puis ça montre comment ce pays-là, c'est triste. C'est l'ancienne Rhodésie, dans le fond, qui s'est libérée du colonialisme. C'est un des derniers pays à s'être libéré du colonialisme. Il y a quelques années, j'avais lu ça aussi. C'est que le président, il avait organisé une loterie nationale pour refinancer l'État. Probablement que le gros lot était de l'ordre de plusieurs millions. Devinez qui a gagné le gros lot. Le président Mugabe. C'est quand même... C'est incroyable. Celle-là. Ah oh, ouais. C'est incroyable. Quand quel heureux hasard. Quel culot quand même d'un tel président qui, comme vous le savez, réussit à se maintenir en poste tant bien que mal. Son ambition, c'est de mourir en poste. C'est épouvantable. Merci, Jean-Claude, de cette... C'est une super belle nouvelle. Well, well, well. Ouais, donc, on vous a présenté cette semaine Le Capital au 21e siècle de l'économiste Thomas Piketty, un ouvrage considérable qui fait œuvre utile. Et si vous voulez le lire, ben moi, je vous dirais pourquoi pas l'emprunter à la bibliothèque, hein, parce qu'après tout, l'auteur en a vendu 3 millions. Il est déjà assez riche comme ça. Il est devenu millionnaire à faire un livre sur les inégalités. C'est fantastique. C'est tout pour nous, donc, l'émission Le Grain de Sable suit à l'instant. Merci beaucoup, Jean-Claude Cloutier, pour ta brillante collaboration, comme toujours. Merci, Jean-Claude. Ça me fait plaisir. Bonne semaine à vous. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à écouter en balado. C'est très agréable qu'on doit prendre une petite marche à écouter cette émission-là. Merci. À samedi prochain.